De 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, par temps clair, mon rez-de-chaussée bénéficie, entre deux falaises de maisons neuves, d'une échappée de soleil. Un pinceau étincelant touche d'abord mon lit, si élargi en apron carré, et les couvre-pieds envoient au plafond un reflet rose. J'attends, paresseuse, que le soleil atteigne mon visage, m'éblouisse à travers mes paupières fermées, et l'ombre des piétons passe sur moi, rapide, comme une aile sombre et bleue. Ou bien, je jaillis de mon lit, galvanisée, et je commence quelques fiévreux récurages. Les oreilles de Fossette subissent un sondage délicat, et son poil brille sous la brosse dure. Ou bien, j'inspecte, sous la grande lumière impitoyable, tout ce qui faiblit en moi, déjà. Soit fragile des paupières, coin de la bouche que le sourire commence à marquer d'un pli triste, et, autour de mon cou, ce triple collier de Vénus qu'une main invisible enfonce chaque jour un peu plus dans ma chair. C'est ce sévère examen que trouble, aujourd'hui, la visite de mon camarade Brague, toujours vif, sérieux, éveillé. Je le reçois comme dans ma loge, couverte à peine d'un kimono de crépon, où les pattes de Fossette ont ajouté, un jour de pluie, des petites fleurs grisâtres à 4 pétales. Pas besoin, pour Brague, de poudrer mon nez, ni d'exagérer d'un trait bleu la longueur de mes paupières. Brague ne me regarde qu'en répétition, pour me dire « Fais pas ça, c'est laid. N'ouvre pas la bouche en hauteur, t'as l'air d'un poisson. Ne cligne pas les yeux, t'as l'air d'un rat blanc. Ne remue pas ton derrière en marchant, t'as l'air d'une jument. » C'est Brague qui a guidé, sinon mes premiers pas, du moins mes premiers gestes sur la scène. Et si je lui témoigne encore une confiance d'élève, il n'oublie pas non plus de me traiter, souvent, en amateur intelligent, c'est-à-dire qu'il montre quelque impatience de la discussion et tient à faire prévaloir son avis. Ce matin, il entre, colle ses cheveux à sa nuque, avec le geste d'enfoncer une perruque, et comme sa figure catalane, rasée, garde toujours ce sérieux éveillé qui la rend si caractéristique, je me demande s'il apporte une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il toise mon rayon de soleil comme un objet de prix et regarde les deux fenêtres. « Combien est-ce que tu le payes ton rez-de-chaussée ?»« Je te l'ai déjà dit, 1700. »« Et t'as l'ascenseur encore ? Chouette soleil, on se croirait à Nice. »« C'est pas tout ça, nous avons une soirée. »« Quand ?»« Quand ? Mais ce soir. » Ah, quoi, ça te dérange? Non. C'est la pantoche qu'on emmène? Pas de pantoche, c'est trop sérieux. T'es dense. Et je leur ferai mon pierrot neurasthénique. Je me lève, sincèrement effarée. Mais danse? Mais je ne peux pas. Et puis j'ai perdu ma musique à Aix. Et puis la petite qui m'accompagne a changé d'adresse. Si au moins on avait 2 jours devant soi. Pas moyen, dit Brague, impassible. Ils avaient badé au programme et elle est malade. C'est ça, c'est complet. Passez en bouche-trou. Joue ton pierrot si tu veux, je ne danse pas. Brague allume une cigarette et laisse tomber ces deux mots. 500. Pour nous deux? Pour toi. J'ai autant. 500. Le quart de mon loyer? Brague fume, sans me regarder. Il sait que j'accepte. Évidemment, 500... Quelle heure? Minuit, naturellement. Grouille-toi pour ta musique et tout, pas? Bonsoir, à ce soir. Ah, dis donc, Jadin est revenu. Je rouvre la porte qu'il fermait déjà. Pas possible, quand? Hier, à minuit, tu venais de partir. Une gueule? Tu la verras, elle rechante à la boîte. 1700, tu dis. C'est épatant, et des femmes à tous les étages. Il s'en va, grave et aigriard. Une soirée, le cachet en ville. Ces 3 mots-là ont le don de me démoraliser. Je n'ose pas le dire à Brague, mais je me l'avoue en regardant dans la glace ma figure d'enterrement avec un petit frisson de lâcheté que me grippe la peau du dos. Les revoir, eux, que j'ai quittés violemment, ceux qui m'appelaient Madame René autrefois, avec cette affectation de ne me donner jamais le nom de mon mari. Eux et elles, elles qui me trahissaient avec mon mari. eux qui me savaient trahi. Le temps n'est plus où je voyais dans toute femme une maîtresse d'Adolphe, actuelle ou probable. Et les hommes n'ont jamais fait grand-peur à l'épouse éprise que je fus. Mais j'ai gardé une terreur imbécile et superstitieuse des salons où je puis rencontrer des témoins, des complices de mon malheur passé. Ce cachet en ville gâte d'abord mon déjeuner tête-à-tête avec Hamon, un peintre déjà démodé, mon vieux et fidèle et débile ami, qui vient manger ses pâtes bouillies chez moi de temps en temps. Nous nous parlons peu. Il appuie au dossier d'une bergère sa tête de Don Quichotte malade. Et après le déjeuner, on joue tous les deux à se faire du chagrin. Elle me parle d'Adolphe Payandi, non pour me peiner, mais pour évoquer un temps où lui, Hamon, était heureux. Et moi, je l'entretiens de sa jeune et méchante femme, épousée follement, partie 4 mois après avec je ne sais qui. Nous nous payons des après-midi de mélancolie qui nous laissent éreintés, la figure vieillie, amère, la bouche sèche d'avoir redit tant de choses désolantes et jurant de ne plus recommencer. Le samedi suivant nous réunit à ma table, content de nous revoir, impénitent. Hamon a retrouvé une anecdote inédite sur Adolphe Tayandi, et d'un tiroir j'ai exhumé, pour voir mon meilleur ami renifler ses larmes, un instantané d'amateur où je tiens par le bras une petite madame Hamon, blonde, agressive, droite comme un serpent sur sa queue. Mais ce matin, notre déjeuner ne marche pas. Hamon, guilleré et gelé, m'a pourtant apporté du beau raisin noir de décembre, d'un bleu de prune, dont chaque grain est une petite outre pleine d'eau insipide et douce. Ce maudit cachet en ville a sombré toute ma journée. À minuit un quart, nous arrivons avenue du Bois, Brague et moi. Le bel hôtel, on doit s'y ennuyer somptueusement. L'imposant serviteur qui nous conduit dans le salon réservé aux artistes m'offre son aide pour quitter mon manteau fourré. Je refuse avec aigreur. Pense-t-il que je vais attendre, vêtu de 4 colliers bleus, d'un scarabée ailé et de quelques mètres de gaze, le bon plaisir de ces messieurs et dames? Beaucoup mieux élevé que moi, l'imposant serviteur n'insiste pas et nous laisse seuls. Brague s'étire devant une glace, devenue sous son masque blanc, dans sa flottante sous-quenille de pierrot, d'une minceur immatérielle. Il n'aime pas non plus le cachet en ville. Non que la barrière de feu entre lui et eux lui manque autant qu'à moi, mais il prise peu ce qu'il nomme le « client des salons » et rend aux spectateurs mondains un peu de la malveillante indifférence qu'il nous témoigne. « Penses-tu, dit Brague en me tendant un petit carton, que ces gens-là seront jamais foutus d'écrire mon nom proprement? Ils m'appellent Bragne sur leur programme. » Très froissé, au fond. Il disparaît, en pinçant sa mince bouche saignante sous une portière de verdure, car un autre imposant serviteur vient de l'appeler, courtoisement, par son nom estropié. Dans un quart d'heure, ce sera mon tour. Je me mire et me trouve laide, privée de l'électricité crue qui, dans ma loge, nappe les murs blancs, baigne les miroirs, pénètre et veloute le maquillage. Y aura-t-il un tapis sur l'estrade? S'il pouvait s'être fendu, comme dit Brague, d'une petite rampe? Cette perruque de Salomé étreint mes tempes et renforce ma migraine. J'ai froid. À ton tour, ma vieille, va leur vendre ta petite affaire. Brague, revenu, a déjà épongé sa figure blanche rayée de filets de sueur et a endossé son manteau tout en parlant. Demande très bien, ça se voit. Ils font pas trop de foin. Il cause, quoi, mais il ne rigole pas trop. Tiens, voilà les 2,15 francs pour ma part de taxi auto, moi je rentre. Tu ne m'attends pas? Pourquoi faire? Tu vas au Terne et moi à Montmartre, ça colle pas. Et puis je donne une leçon demain matin à 9 heures. Bonsoir, à demain. Allons, c'est mon tour. Ma petite pianiste rachitique est à son poste. Je roule autour de moi, d'une main que le trac rend nerveuse, le voile qui constitue presque tout mon costume. Un voile rond, violet et bleu, qui mesure 15 mètres de tour. Je ne distingue rien, d'abord, à travers le fin treillis de ma cage de gaz. Mes pieds nus, conscients, tâte la laine courte et dure d'un beau tapis de Perse. Hélas, il n'y a pas de rampe. Un bref prélude éveille et tord la chrysalide bleuâtre que je figure, délie lentement mes membres. Peu à peu, le voile se desserre, s'enfle, vole et retombe, me révélant aux yeux de ceux qui sont là, qui ont eu, pour me regarder, leur enragé bavardage. Je les vois. Malgré moi, je les vois. En dansant, en tournant, je les vois. Et je les reconnais. Il y a là, au premier rang, une femme encore jeune, qui fut assez longtemps la maîtresse de mon ex-mari. Elle ne m'attendait pas ce soir, et je ne songeais pas à elle. Ses yeux bleus, douloureux, sa seule beauté, expriment autant de stupeur que de crainte. Ce n'est pas moi qu'elle craint, mais ma présence soudaine l'a remise sans ménagement en face de son souvenir, elle qui a souffert pour Adolphe, elle qui aurait tout quitté pour lui, qui voulait, avec de grands cris, des larmes bruyantes et imprudentes, tuer son mari, me tuer aussi, et s'enfuir avec Adolphe. Il ne l'aimait déjà plus, et la trouvait pesante. Il me la confiait pendant des journées entières, avec la mission, que dis-je, l'ordre, de ne la ramener qu'à 7 heures, et il n'y eut jamais de tête-à-tête plus navrant que ceux de ces deux femmes trahies qui se haïssaient. Quelquefois, la pauvre créature, à bout de force, fondait en pleurs humiliées, et je la regardais pleurer, impitoyable à ses larmes, orgueilleuse de retenir les miennes. Elle est là, au premier rang. On a utilisé tout l'espace disponible, et sa chaise est si près de l'estrade que je pourrais, d'une caresse ironique, effleurer ses cheveux qu'elle teint en blond parce qu'ils blanchissent. Elle a vieilli depuis 4 ans, et elle me regarde avec terreur. Elle contemple à travers moi son péché, son désespoir, son amour, qui a peut-être fini par mourir. Derrière elle, je reconnais aussi cette autre, et puis celle-ci encore. Elles venaient boire du thé chaque semaine chez moi, quand j'étais mariée. Elles ont peut-être couché avec mon mari. Cela n'a pas d'importance. Aucune ne semble me connaître. Mais quelque chose marque qu'elles m'ont reconnue, car l'une feint la distraction et parle bas avec animation à sa voisine. L'autre exagère sa myopie, et la troisième, qui s'évente et secoue la tête, chuchote obstinément « Quelle chaleur, mais quelle chaleur !» Elles ont changé leur coiffure depuis l'année où je laissais là tous ces faux amis. Elles portent l'obligatoire bonnet de cheveux, couvrant les oreilles, noué d'un large bandeau de ruban ou de métal, qui leur donne un air convalescent et pas lavé. On ne voit plus de nuque tentante, ni de tempe vaporeuse. On ne voit plus que de petits mufles, mâchoires, mentons, bouches, nez, qui prennent cette année un véridique et frappant caractère de bestialité. Sur les côtés et au fond, il y a une ligne sombre d'hommes, debout. Ils se pressent et se penchent avec cette curiosité, cette courtoisie rossarde de l'homme du monde pour la femme dite « déclassée », pour celle à qui l'on baisa le bout des doigts dans son salon et qui danse maintenant, demi-nue, sur une estrade. Allons, allons, je suis trop lucide ce soir, et si je ne me reprends, ma danse va en pâtir. Je danse, je danse. Un beau serpent s'enroule sur le tapis de Perse, une amphore d'Égypte se penche, versant un flot de cheveux parfumés, un nuage s'élève et s'envole, orageux et bleu. Une bête féline s'élance, se replie, un sphinx, couleur de sable blond, allongé, s'accoude, les reins creusés et les seins tendus. Je n'oublie rien, je me suis ressaisi. Allons, allons. Ces gens-là existent-ils? Non, non, il n'y a de réel que la danse, la lumière, la liberté, la musique. Il n'y a de réel que rythmer sa pensée, la traduire en beaux gestes. Un seul renversement de mes reins, ignorant de l'entrave, ne suffit-il pas à insulter ces corps réduits par le long corset, appauvris par une mode qui les exige maigres? Il y a mieux à faire qu'à les humilier. Je veux, pour un instant seulement, les séduire. Un peu d'effort encore. Déjà, les nuques, chargées de bijoux et de cheveux, me suivent d'un vague balancement obéissant. Voici que va s'éteindre dans tous ses yeux la vindicative lumière. Voici que vont céder et sourire ensemble toutes ces bêtes charmées. La fin de la danse, le bruit fort discret des applaudissements coupe l'enchantement. Je disparais pour revenir saluer d'un sourire circulaire. Au fond du salon, une silhouette d'homme gesticule et crie « Bravo !» Je connais cette voix-là et ce grand mannequin noir. Mais c'est mon idiot de l'autre soir. C'est le grand serin. Je n'en puis douter longtemps. D'ailleurs, en le voyant entrer, tête baissée, dans le petit salon me rejoint ma pianiste. Il n'est pas seul, il est accompagné d'un autre grand serin noir qui a bien la tournure d'être le maître de la maison. Madame, salue celui-ci. Monsieur, voulez-vous me permettre de vous remercier d'avoir bien voulu prêter à l'improviste votre concours à, et de vous exprimer toute l'admiration. Mon Dieu, monsieur, je suis Henri Dufferin-Chautel. Ah, oh, parfaitement. Et voici mon frère, Maxime Dufferin-Chautel, qui désire si vivement vous être présenté. Mon grand serin d'hier resalue et réussit à prendre à baiser une main qui s'occupait de rassembler le voile bleu. Puis il reste debout et ne dit rien, beaucoup moins à l'aise que dans ma loge. Cependant, Dufferin-Chautel numéro 1 froisse avec embarras une enveloppe fermée. J'ignore si c'est à Monsieur Salomon, votre impresario, ou bien à vous-même que je dois remettre. Dufferin-Chautel numéro 2, soudain cramoisi sous sa peau brune, lui jette un coup d'œil furieux et blessé, et les voilà tous deux aussi sereins l'un que l'autre. Qu'y a-t-il là d'embarrassant? Je les tire gaiement de peine. Mais à moi-même, monsieur, c'est tout simple. Donnez-moi cette enveloppe, ou plutôt, glissez-la dans ma musique, car je vous avoue en confidence que mon costume de danseuse n'a pas de poche. Ils éclatent de rire, tous les deux, d'un rire soulagé et polisson, et déclinant l'offre sournoise de Dufferin-Chautel numéro 2, qui craint pour moi les apaches des ternes, je puis y rentrer seule, serrer joyeusement ma grande coupure de 500 francs, me coucher et dormir.